Chapitre 42e. La longue confession faite à Morton par Lucy Green sur son lit de mort ne lui permettait pas plus de douter de la culpabilité de Sir Everard que de celle de son propre père. Le mari trompé n'avait fait que se venger, dans un accès de jalousie furieuse, de l'ami qu'il avait trahi. Malgré la pitié filiale de Morton pour son père, il ne pouvait refuser son indulgence au meurtrier. Sir Walter Blake et Sir Everard se fussent battus en duel, et que le premier eût été tué, qui donc aurait pu refuser sa sympathie à l'offensé? Sir Everard n'était pas du bois dont on fait les assassins. Peut-être Walter Blake avait-il été le premier à le frapper? Cette hypothèse n'avait rien d'inadmissible. Ce qui était clair comme le jour, c'était l'innocence du malheureux mort à l'hospice de Portland. Morton se rappelait la répugnance de Sir Everard à accepter la déposition de Humphrey Vargas, son désir mal déguisé de le voir échapper aux poursuites de la justice, son visage décomposé à la barre des témoins le jour où le nom de Lady Courtney fut prononcé pendant l'interrogatoire. Quel parti devait-il prendre? Qu'allait-il faire? Humphrey Vargas était hors de cause. Sans doute, Morton n'avait pas oublié les efforts tentés par Jeanne Barnard pour laver la souillure attachée au nom de son père. Mais il ne voyait pas qu'il fût de son devoir de compromettre celui de Dulcy pour atteindre ce but. Les enfants de Jeanne Barnard, se disait-il, supporteront la conséquence de la conduite de leur grand-père, qui a volontairement voué son nom à la honte. J'épargnerai celui de la femme qui a dû porter le mien. Pour son amour, je saurai refouler mes sentiments de haine et de colère. Au milieu de ses préoccupations, Morton se trouva entraîné par la force des circonstances vers un nouveau courant d'idées. Il avait fini par suivre les conseils d'Elizabeth Hardman et se préparait avec ardeur à entrer dans la lice électorale. Depuis la maladie de Morton, la fille adoptive de Miss Blake avait pris une grande influence sur lui, influence qui tenait à la fois à la reconnaissance qu'il lui devait et à une complète parité d'idées. Un jour qu'il avait eu avec sa tante une longue conversation au sujet d'Elizabeth, il lui dit qu'après avoir longtemps réfléchi à ce qu'il pouvait faire pour elle, il s'était décidé à lui offrir un chèque de 25 000 francs et à le lui envoyer sous enveloppe avec l'expression de sa reconnaissance. « Morton, s'écria Miss Blake indignée, vous ne parlez pas sérieusement, je présume. Le dévouement ne se vend pas plus qu'il ne se paye. Je me félicite que vous n'ayez pas mis ce projet à exécution sans m'en parler, car jamais Elizabeth ne vous eût pardonné un tel manque de convenance et de tact. Vraiment ? De votre main, la blessure eût été plus cruelle encore. » Morton reprit, sans faire allusion à cette phrase qu'il avait cependant vivement frappée. « La nature masculine est rarement à la hauteur de la vôtre, en ce qui est de la délicatesse et du tact. Puisque vous condamnez tout cadeau d'argent, j'y renonce. Mais ne puis-je du moins me permettre de lui offrir quelques bijoux de prix, quelques œuvres d'art ? Ah, je viens d'avoir, il me semble, dit-il en se frappant le front, une véritable inspiration. Laquelle ? Celle de lui offrir une voiture et un cheval pour son usage personnel. De cette façon, elle ne sera plus obligée d'avoir recours à l'obligeance de mes sœurs, qui ne lui prêtent jamais leur fameuse charrette qu'à leur corps défendant. Je donne cette fois-ci toute mon approbation à votre idée, mon cher Morton. Non pas qu'il soit nécessaire de lui offrir un présent d'aucune sorte, car chez elle le dévouement trouve toujours en lui-même sa propre récompense. C'est apparemment la raison pour laquelle les obligés ont si peu de soucis de témoigner à qui de droit leur reconnaissance, dit Morton en riant. Le lendemain de cet entretien, il s'empressa d'aller chez le docteur Jebb, qui avait la réputation de connaître le mérite et la généalogie de presque tous les chevaux à 10 lieues à la ronde, et le pria de l'aider de ses lumières pour l'achat qu'il méditait. « J'ai votre affaire, » répondit le docteur Jebb. « À quelques lieues d'ici, il y a un maquignon qui élève à la brochette une bête magnifique. Voulez-vous venir la voir avec moi ?» Morton ne se fit pas prier, et séance tenante, le marché fut conclu à la satisfaction des parties intéressées. Le cheval indiqué par le docteur Jebb était en effet un pur sang d'une perfection de forme rare et de splendides actions. On convint qu'il serait le lendemain à Tingley. Morton commanda par voie télégraphique à son carrossier une Victoria, disant qu'il entendait que l'exécution en fût confiée aux meilleurs ouvriers. Mais il ne put tenir au plaisir d'offrir le magnifique Tommy à Elizabeth avant l'arrivée de la susdite voiture, tant il lui tardait de voir l'accueil que la jeune fille allait faire à ce bel échantillon de la race chevaline. Toute la famille était à déjeuner, lorsque le maître d'hôtel remit à Morton un pli sur un plateau d'argent. Il demanda la permission de prendre connaissance de cette missive. Tout en lisant, Il regardait Elisabeth Hartmann occupée à verser le thé en ce moment et qui ne lui avait jamais paru plus séduisante. « Mademoiselle, s'écria-t-il en se levant précipitamment de table, je viens d'acheter un cheval et je suis très désireux d'avoir votre avis. » Clémentine et Horatia se mirent aussitôt en demeure de suivre leur frère. Elisabeth seule ne bougea pas. « Venez aussi, je vous prie, s'écria Morton, je tiens essentiellement à connaître votre opinion. » « Depuis quand donc Elisabeth a-t-elle autorité en ces sortes de choses ?» répliqua Horatia avec aigreur. « Elisabeth aime les chevaux avec passion. Cela suffit à mes yeux pour la considérer comme un bon juge. » « Je me demande en vérité pourquoi vous avez acheté un nouveau cheval quand tous les box sont occupés. C'est mon affaire. Soyez sûr qu'on lui trouvera une place. » Tout en causant, on était arrivé à l'endroit où le fameux Tommy devait être présenté. La cour de l'écurie, bien ensoleillée, paraissait attendre un hôte de choix. Les fenêtres de l'écurie, de la sellerie, étaient parées de fleurs. Tommy était tenu en main par un groom d'un extérieur des plus corrects. Il débarrassa l'animal de sa couverture afin qu'on pût admirer toute la beauté de ses formes. Sa robe baie foncée avec des reflets soyeux. Il pencha sa noble tête en promenant autour de lui son bel œil ardent et doux. Elisabeth, s'approchant de lui, le caressa d'une main blanche et délicate. « Eh bien, qu'en dites-vous ? » lui dit Morton. « Je ne suis pas un juge expérimenté, comme vous savez. Ce qui ne m'empêche pas de le trouver magnifique et de le déclarer le parangon des chevaux. Puisque vous lui avez donné ce nom, j'entends qu'il le garde et je me permets, ma chère Elisabeth, de vous offrir parangon en souvenir de toutes vos bontés pour moi pendant ma maladie. Dans quelques jours, on pourra l'atteler à une Victoria, que j'ai également commandée à votre intention et dont vous voudrez bien, j'espère, vous servir pour aller faire vos visites de charité autour de Tingley. » Elisabeth croyait rêver. Elle avait la gorge serrée et ne pouvait parler. Puis tout à coup, des larmes jaillirent de ses yeux. Se sentant incapable de maîtriser son trouble, elle s'enfuit vers la maison en courant de toutes ses forces. « Est-elle folle ? » s'écria Horatia d'un ton dédaigneux. « Ce n'est rien, » répondit Morton en riant. « Pauvre enfant !»« N'aurais jamais cru que si peu de choses dût lui causer tant d'émotions. » « Mais c'est vous qui êtes fou, mon cher, » reprit Horatia. « Si vous parliez sérieusement à Elisabeth en lui offrant cet admirable cheval, en Dieu, que voulez-vous qu'elle en fasse ? C'est insensé, vrai, vous n'y pensez pas. Si fait, et je vous dirais même que vous n'êtes pas pour rien dans le choix de mon présent à Elisabeth. Je ne saisis pas bien. Je veux dire que c'est la façon avec laquelle vous vous faisiez tirer l'oreille pour lui prêter votre voiture, qui m'a inspiré l'idée de lui en offrir une autre. « C'est inconcevable, c'est inouï, et surtout de votre part. Nous savons depuis longtemps qu'Elisabeth est la favorite de tante Dora, mais nous n'aurions jamais songé qu'elle pût devenir la vôtre, voilà qui est trop fort, par exemple. Rappelez-vous, je vous prie, que je ne suis pas d'humeur à supporter vos impertinences, » riposta Morton avec véhémence. Le groom s'était heureusement retiré à l'écart avec Parangon pendant cette incartade, à la suite de laquelle Clémentine et Horatia prirent le chemin du bois. La bonne tante Dora monta tout droit dans la chambre de sa fille adoptive, qu'elle trouva le visage inondé de larmes et toute confuse. « Ma chère enfant, c'est bien déraisonnable à vous de pleurer ainsi. Je le sais, mais la surprise était trop grande, trop inattendue. Je n'ai pas trouvé de parole pour remercier Morton d'un tel présent. C'est mille fois trop beau pour une pauvre fille comme moi, sans parents, sans fortune. Croyez-vous donc, enfant, que l'on ne vous considère pas ici comme l'égal de tous ? Vos bontés maternelles me le prouvent depuis longtemps, ma chère tante. Néanmoins, je ne saurais oublier, moi, que je suis ici par charité, et que jamais je ne pourrais m'acquitter envers vous de tout ce que vous avez fait à mon égard. Aussi, tout à l'heure, quand j'ai entendu Morton me parler de sa reconnaissance, je n'ai plus su où j'en étais. J'étais prise de vertige, tout tournait autour de moi. Pauvre Morton, que doit-il penser de moi ? De mon manque de savoir-vivre, je me disposais à lui écrire pour le prier de m'excuser. « Ne faites pas cela, ma chérie, croyez-moi. Allez le trouver dans son cabinet, et dites-lui tout simplement que rien ne pouvait vous être plus agréable que le présent qu'il vous a offert. C'est vous qui, à votre tour, aurez fait un heureux. » Après un moment d'hésitation, Elisabeth poussa un long soupir et répondit à Miss Blake. « Eh bien oui, chère tante, j'irai. » « Pourquoi ce soupir, ma chérie ? Morton vous fait-il donc si peur ? » ?»« Lui, non, certes. J'ai plutôt peur de mes propres sentiments. » Ces mots, quoique prononcés très naïvement, n'échappèrent pas à la perspicacité de la bonne et sage Miss Blake, mais elle avait trop de confiance dans la haute sagesse de sa fille adoptive pour en prendre l'alarme. Morton n'était pas à son bureau lorsqu'Elisabeth entra. Il était accoudé à l'une des fenêtres ouvertes, respirant les senteurs enivrantes que la saison fleurie envoyait jusqu'à lui. Les papillons battaient l'air de leurs ailes diaprées. Les abeilles bourdonnaient tête baissée dans les lilas. Les oiseaux gazouillaient à l'envi sous la voûte embaumée du ciel. Elisabeth entra timidement et balbutia quelques mots d'excuse et de reconnaissance. « C'est moi, lui dit Morton, qui serai toujours votre obligé. Je n'ai garde de vouloir affaiblir ce sentiment en cherchant à m'acquitter envers vous, ma bien chère Dulcie. Mais je n'ai pas résisté au désir de vous être agréable. Voilà la vérité. Rappelez-vous que ce cheval est à vous seul, et que vous avez tout droit sur lui. Il aura un box à l'extrémité de la cour. Thomas sera votre groom particulier. C'est lui qui viendra chaque jour prendre vos ordres. » Elisabeth remercia de nouveau Morton en lui donnant une cordiale poignée de main, puis elle le quitta, trop émue ce jour-là, pour lui demander des nouvelles de ses affaires électorales. Clémentine et Horatia revinrent du bois, la tête de plus en plus montée contre Elisabeth et bien déterminée à lui rendre la vie plus dure que jamais. Il était évident qu'un orage grondait à l'horizon et qu'un jour ou l'autre il finirait par éclater. Voici dans quelles circonstances ce fait se produisit. Miss Blake étant allée dîner chez Lady Ritherdon à Highlear, Elisabeth se trouva entière avec ses deux ennemis personnels, car Morton aussi était absent ce jour-là. Clémentine et Horatia commencèrent la querelle sur des sujets indifférents et des questions frivoles. De peloton en peloton, de fil en aiguille, les coups d'épingle devinrent de véritables coups de poignard. Horatia demanda qu'on allumât du feu. Elisabeth fit observer que le moment n'était pas venu d'enlever les bruyères dont elle avait elle-même tapissé les cheminées. Là-dessus, les deux sœurs déclarèrent, en parlant toutes les deux à la fois, que bientôt il n'y aurait plus une seule pièce dans le château où elles puissent commander en maîtresse. « Que va-t-il donc se passer ici ? » répliqua Elisabeth. « Quelle révolution y a-t-il dans l'air ? » Morton aurait-il donc l'intention de transformer Tangley Manor en asile pour les enfants, en maison de retraite pour les vieillards, pour les convalescents ? « Non, répliqua Horatia du ton du persiflage. Je ne crois pas que sa folie prenne la forme philanthropique. J'incline plutôt à croire que ce sera la forme matrimoniale. Votre frère a trop aimé Dulcie Courtenay pour justifier vos appréhensions. Quant à moi, je ne crois pas qu'il l'oublie d'ici longtemps. Peut-être en serait-il ainsi s'il n'était le point de mire de certaines intrigantes, en quête d'épouseurs, et qui savent très bien que la flatterie est une recette infaillible pour attraper un mari au bout de leur ligne. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, riposta Elisabeth, les joues en feu et les lèvres tremblantes. Oh! Alors votre naïveté dépasse celle de l'enfant à la mamelle. Il y a longtemps pourtant, reprit Clémentine, en venant à la rescousse de sa sœur, que nous ne sommes plus dupes de vos manèges, de vos coquetteries, de votre politique, de votre beau dévouement. Comment ? S'écria Elisabeth, pâle d'indignation. Vous osez m'accuser de vouloir capter l'affection de votre frère et de vouloir m'en faire épouser ? Mais c'est infâme ce que vous dites là. Vous me rendez impossible un plus long séjour sous votre toit. Je pars. Adieu. Et où allez-vous ? Peu vous importe. Qu'il vous suffise de savoir que je quitte à l'instant le manoir. Ne nous indiquerez-vous pas au moins où nous devons vous expédier le fameux parangon ? Elisabeth dédaigna de répondre à cette impertinence. Elle avait fermé la porte avant que Clémentine eût achevé sa phrase. Croyez-vous réellement qu'elle mette son projet à exécution ? Demanda Horatia à sa sœur. À quelque chose malheur est bon. Répliqua Clémentine. Vous montrez Parangon, et le tour sera joué.